Chapitre 5. Madame de Prase se crée des chimères. Ce club était un petit palais somptueusement confortable. Il y régnait un demi-silence traditionnel, favorisé par les épais tapis et les lourdes portières qui servaient d'étouffoir. « Le comte de Prase est-il ici ? Je suis la comtesse de Prase. » Et comme le valet, en culotte rouge et grand habit vert, marquait un soupçon d'incertitude, Madame de Prase ajouta sèchement « Sa mère, n'est-ce pas ?» Le valet fit une inclinaison obséquieuse. « Je vais voir si monsieur le comte est là. » Il introduisit la visiteuse dans une salle d'attente discrète, d'une élégance virile, mais qui offrait ce caractère morne et froid de tous les lieux habités par des hommes, à l'exclusion des femmes. Au bout de quelques minutes, un huissier, tout de noir vêtu, la chaîne au col, vint respectueusement avertir Madame de Prase que le comte Lionel était à la salle de boxe et qu'il priait sa mère de bien vouloir aller à lui. Madame de Prase suivit l'huissier à travers un labyrinthe de couloirs et pénétra finalement dans une sorte de local exigu, boisé de pitch-pain du haut en bas. On y marchait sur un linoléum brun, élastique. Lionel entrait par une autre porte. Il était enveloppé d'une espèce de peignoir aux manches larges, taillé dans une étoffe fantasque, hurleuse, excentrique. Une serviette éponge lui tenait lieu de foulard. Ses pieds étaient nus dans des souliers légers, lacés de blanc. Sous sa chevelure en désordre, son visage marbré de rose vif attestait quelques sérieux encaissements. Des gants de 8 onces se pendaient à son poignet. Il achevait de nouer à sa taille la ceinture incohérente du kimono tumultueux. « Excusez-moi de vous recevoir ici, maman, mais votre visite a de quoi me surprendre. J'ai pensé que vous aviez hâte de me parler. Que se passe-t-il donc ?» Ils s'assirent sur des chaises d'osier et, un instant, se regardèrent, lui, laissant percer dans ses prunelles brillantes une curiosité aiguë, mêlée d'on ne sait quelle moquerie, qui semblait railler toutes les femmes en général et sa mère en particulier, et elle donnant l'impression d'une crainte hésitante. « Eh bien, dit Lionel, parlez donc. Tu vas peut-être me trouver sotte. Le fait est qu'il m'a paru d'abord indispensable de t'avertir sur le champ sans perdre une minute. Et maintenant, je me demande si je n'ai pas cédé à une frayeur tout à fait injustifiée. » « Dites toujours, que diable !»« Tu sais que Jean Mareuil nous avait invités, Gilberte et moi, à prendre une tasse de thé chez lui. J'en sors. J'ai laissé Gilberte rentrer seule à Neuilly pour venir te trouver immédiatement. Je ne sais pas comment te faire comprendre, comment préciser... Figure-toi, la conversation est venue sur la mort de ta tante à propos d'une lampe... Enfin, Gilberte et moi, nous avons raconté à Jean Mareuil l'affreuse nuit du 19 août et ce qui a suivi. Je ne pourrais pas te dire exactement quelle suite de remarques, d'observations m'ont influencé. Ce qui est sûr, c'est que peu à peu, une appréhension irraisonnée m'a envahi. Mais je suis là à parler pour ne rien dire. Écoute, Lionel, je vais te poser une question qui te semblera baroque certainement. « Quand tu étais en pension, tu n'as jamais connu d'hindou, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais été en relation, plus ou moins, avec des charmeurs de serpents ?» Lionel, tout ébahi qu'il fut, se mit à rire. « Jamais ! Vous l'auriez su, voyons ! Jamais de ma vie, à aucun moment, je n'ai eu le moindre rapport avec ces gens-là, de près ou de loin. Qu'est-ce que cela signifie ?» Cela signifie que tu viens de m'enlever de la poitrine un poids qui m'étouffait. Pourquoi ? Parce que, si une enquête avait pu établir le contraire de ce que tu certifies, on aurait été en droit de te soupçonner. De quoi ? Fit Lionel de plus en plus intrigué. D'avoir introduit ou fait introduire la vipère dans la chambre de ta tante et de l'avoir appelée ou fait appeler après ce qui s'est passé dans cette chambre close. » Du coup, Lionel se révolta et cessa de rire. « Êtes-vous folle, maman ? Est-ce que je rêve ? Et qui donc m'aurait accusé ou soupçonné ? Peut-être Jean Mareuil. Aussi, dès que mon idée s'est précisée, dès que j'ai aperçu le danger, je n'ai plus songé qu'à te prévenir afin que, s'il en eût été besoin, tu répondisses aux questions en connaissance de cause. M'interroger, moi ? Non pas, bien sûr, mais dans un entretien familier, on peut se renseigner sur bien des choses. D'ailleurs, rien ne me prouve que Jean Mareuil ait l'intention d'approfondir le drame de Luvercy. Il a dit seulement, à deux reprises, s'adressant à Gilberte, « Ne seriez-vous pas heureuse si on vous apportait, vivante ou morte, la vipère de Luvercy ?»« Eh bien, qu'il la cherche et qu'il la trouve, c'est mon vœu le plus sincère, et je l'y aiderai bien volontiers à l'occasion. »« Moi aussi, certes, et de grand cœur. » Mais, ma pauvre maman, qu'est-ce qui vous a fait croire, grand Dieu, qu'on ait l'idée saugrenue d'aller compliquer cette histoire, d'y faire participer un criminel et de m'en rendre coupable, moi ? Tout cela s'est amoncelé dans ma tête, mon cher enfant. Une mère, vois-tu, cela voit du danger partout. J'ai été frappée tout à l'heure par le côté mystérieux de ce Jean Mareuil avec ses lampes et ses clés. Ce côté mystérieux m'a semblé tout à coup très différent de ce que nous avions supposé jusqu'ici. Je crois bien que je me trompais en croyant m'être trompée. Mais lorsque soudain il a parlé des charmeurs de serpents, quelques minutes après avoir discuté de la possibilité d'une intervention humaine dans la mort de ta tante, « Achevez, maman, vous m'intéressez, goya Lionel. Pourquoi hésitez-vous ? » Pour la première fois depuis l'événement, je venais de distinguer ceci, que si d'aventure quelqu'un était accusé d'avoir provoqué cette mort, mon grand, les soupçons se porteraient sur toi avant tout autre. Sur toi, presque un homme déjà à cette époque. Sur toi qui, naturellement, ne pourrait pas justifier de l'emploi de ta nuit après 5 ans. Lionel, qui regardait sa mère avec une commisération irritée, s'écria « Mais quel intérêt m'aurait fait agir dans votre hypothèse insensée, ma pauvre maman ? Quel intérêt ? Tu oublies toutes les méchancetés qu'on a dites sur moi à la mort de ton oncle Laval. Quel intérêt ? Mais tout simplement l'intérêt de le rendre veuf et de permettre à ta mère d'épouser Guy Laval, plusieurs fois millionnaire. » Le jeune homme leva les bras au ciel et se remit à rire bruyamment d'une façon si franche que cette hilarité eût déridé tout autre que Madame de Prazes. Elle dit « Il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel soupçon serait fondé. Tu penses bien que, moi, je suis tranquille sur ton compte, et je ne doute pas que la vipère ait accompli son acte de mort sans le secours de personne, cela m'aurait éveillé, ou Gilberte, qui ne dormait pas, contre moi, aurait entendu quelque chose et se serait empressé de m'en avertir. Non, cela n'est pas la question. Il s'agit seulement de parer à une accusation qui m'a semblé possible et qui, présentement, me paraît détruite d'avance, puisque, grâce à Dieu, puisque je n'ai jamais charmé de serpent ni fréquenté même un rajah. Ha, ha, ha, vous en avez de bonnes, maman !» Madame de Prades le scruta de l'œil, puis le contempla. Une tendresse orgueilleuse se peignit sur son visage terne qui, enfin, se détendait. Elle appuya sa tête contre la robuste poitrine de Lionel. « Que veux-tu ? » fit-elle d'une voix timide. « J'ai eu peur tout à coup. Je t'aime tant, mon grand. Vous êtes singulièrement femme aujourd'hui. Il vous prend des frayeurs. Je vous trouve nerveuse, impulsive. » Et je parierai à vous voir, à vous entendre, que vous avez encore quelque chose à me dire. Allons, dites. Tu ne te fâcheras pas ? » Elle lui sourit craintivement et lui fit voir, dans ses yeux de brume, toute l'adoration, toute l'indulgence que sa maternité passionnée pouvait y mettre. Lionel fronça les sourcils et fit une moue de défiance. Dernièrement, reprit Madame Prazes, tu m'as dit, à propos de Gilberte, une chose dangereuse. Tu te rappelles, nous étions dans ta chambre l'autre matin. Tu as fait allusion à cette grippe de l'année dernière qui a failli emporter ta cousine. Je vous avoue que je ne me souviens pas. Justement, c'est ce qui m'effraie. Tu ne te rends pas compte des énormités que tu profères parfois, mon cher enfant. Je sais bien, moi, ta mère, que ce ne sont que des paroles sans fondement. Mais le monde nous juge sur nos paroles autant que sur nos actions. Suppose qu'on t'inculpe d'un méfait quelconque, comme tu regretterais alors d'avoir prononcé à la légère des phrases où tu te dépeins toi-même sous de fâcheuses couleurs. Rappelez-moi donc ce que je vous ai dit l'autre jour. Tu m'as dit à peu près que, si Gilberte était morte, j'aurais hérité et que, en somme, tout eût été fort bien ainsi. Tu n'en penses pas un mot. Alors, pourquoi le dire ? Pourquoi, en d'autres circonstances, te laisser aller à des fautes analogues devant des gens qui peuvent te prendre au sérieux et se faire de toi une idée fausse ? Une idée fausse, tu entends ? Ils étaient face à face, les yeux dans les yeux, et Lionel considérait pensivement la supplication persuasive du regard qui plongeait en lui de toute la force d'une âme inquiète, ardente et résolue. Lionel se dégagea doucement, contre son habitude. Ici, maman, vous avez raison. Je me surveillerai. Ce que je vous prie de croire, c'est que je vous jure sur l'honneur de notre nom, c'est que mon cynisme ne s'est jamais traduit qu'en paroles. Je n'ai rien à me reprocher dans le domaine de mes actes. Madame de Prats eut un élan. Mais je le sais bien, Lionel. Oui, c'est entendu, vous me l'avez déjà dit. Mais avec les femmes, on ne peut jamais être sûr. Rien à me reprocher, je le répète. Et il ajouta, le front dur, l'œil vague. Rien encore, rien jamais peut-être. Cela dépendra. Que veux-tu dire ? De vous à moi, je vous parle ici comme à moi-même, je me sens assez décidé à m'adjuger Gilberte et sa fortune, ou plutôt les millions des Laval, avec ou sans la fille. Anxieuse, Madame de Prats assura « L'habileté, l'intrigue y suffiront. Laisse-moi te guider. Suis mes conseils, point par point. » « Je les suis. » « Cette surveillance de Jean Mareuil, la nuit ?»« Tout est prévu entre Aubry et moi. Nous commençons ce soir. » « Bonne chance donc, mais surveille-toi toi-même. C'est promis ?»« Au revoir. » fit Lionel sans rendre à sa mère le long baiser qu'elle venait de lui donner. « Et soignez vos nerfs, corbleu ! Vous me faites de la peine avec vos histoires d'hindous !» Madame de Prats se retourna sur le seuil. Un pâle sourire suppliant naquit à ses lèvres, tandis que Lionel, drapé dans le bavardage criard du kimono, haussait ses épaules athlétiques.